qui est président de l'activité, qui est président du club de golf. Me semble que ça doit être beaucoup plus facile. Il doit avoir des portes d'entrée beaucoup plus importantes. Me semble, en tout cas. Ben, moi, comme directeur général, c'est ce que j'anticipe. Je sais que Martial est quelqu'un de très branché, quelqu'un de très dynamique, qui a une belle visibilité, il a une bonne tête également. C'est un leader hors pair. Alors, dans la suite, moi, j'anticipe la même chose que toi. Mais je sais que tu vas sûrement lui parler un jour. Alors, je te laisse le loisir de lui lancer tout ça. Ben, c'est clair. Y a-t-il des nouveautés également? Y a-t-il d'autres annonces de fin? Oui, il y a eu Franz Kurtness qui est rentré comme administrateur et M. Jean Castonguay, qui est également en poste chez Desjardins. Notre équipe est complète. Monsieur Castonguay vient d'être confirmé ce matin parce qu'il nous manquait un candidat. Et pour le reste, là, c'est les mêmes administrateurs, soit M. Gravel, Mme Laflamme, M. Caron et M. Turgeon qui est aux finances. Okay. Alors, on anticipe quelque chose de très intéressant pour 2017, le défi devant nous. Ben bravo, Gilles. Je ne sais pas si c'est avec toi qu'on va faire nos chroniques habituelles ou ça va être avec Martial maintenant, mais on va être là quand même, puis on va continuer à suivre le club de golf de Saint-Prime. Danny, c'est toujours un réel plaisir de te parler. On te souhaite, à mon nom, au nom du conseil d'administration puis de les membres de Saint-Prime, on te souhaite de joyeuses fêtes et à tous tes auditeurs. OK, ben merci beaucoup, Gilles, puis on se reparle très prochainement. Merci, bonne journée. Le directeur général du club de golf de Saint-Prime, Gilles Larouche.